sa se tre bon sentir dans lequel ça devient mouvement partout le corps. Je pense qu'il y a aussi quelque chose des africains. La salsa es un ritmo contagio que lo disfruta todo el mundo para bailar, para gozar. Dans la salsa il y a été mélangé beaucoup de rythmes, le merengue, son, il y a tout ça que devient la salsa. La samba, le merengue, el son, el flamenco. Se disfruta mucho en grupo, carnaval, tipo los carnavales del Brasil, Cuba. Tú empiezas a bailar desde las 8 de la mañana hasta el otro día a las 8 de la mañana. Continúa tomando, festejando con tus amigos, con tu esposa, con tus amistades queridas. Se disfruta mucho. La orquesta de UDB, Pablito FG, Ramita Social Club, Omar Portuondo, Compay Segundo, Presidente Monguemor, Elias Ochoa. Je m'appelle Linda, j'aime l'émission spéciale salsa et surtout je me danse la salsa. Ciao Burundi, io mi chiamo Valeria, per gli amici Mumu. Je m'appelle Valeria pour les amis Mumu. Je suis italienne, je viens de Naples, mais ma deuxième maison c'est ici au Burundi et ma troisième c'est la radio Isanganiro. J'écoute toujours la transmission salsa de Christian Xavier, elle est super. Ciao, bisous. Kazoza kimigango Tetsani wakazoza kigilgu Bakwiye kubahirizwa mateka yabo Bakwiriye kukingigwa amabi yose Abana bikazoza kuburundi Tetsani wakazoza kafika Bakwiye koroherezwa Mabgawa Bakwiriye Kingigwa Ibibi byose Uwanga dokura Abagi mitabu Tuje amwe Turandurande ni mitzi Choni migenzo mibi Chinyiza gateka kawana Tuje amwe Turandurande ni mitzi Choni migenzo mibi Zagateka kabana Abo bana bakugwa mu somero Bakajanwa gukoreshwa ibikogwa bibarengeye Bari biteze kusomera none bararumanga Ubuzima bwabo burabangamiwe Abo bajanwa kubaka hataragera La salsa es una sauce disfruta mucho, tipo carnaval do Brasil. A todo mundo que escucha la emisión especial salsa, bonjour, bonsoir, ça dépend du jour. Vous avez choisi nous capter que ce soit tous les mardis à 8h30, une rediffusion. Mercuris, mardi c'est martes, Mercuris c'est mercredi. Voilà, c'est 22h40. Vous êtes toujours branché sur les fréquences de la radio. Qui d'autres radios écoutent? C'est bien sûr la radio Sanganiro. Mite Boutiva assure la mise en onde de Christian Xavier comme elle a coutumé à la présentation de cette belle tranche musicale que vous ne trouverez nulle part ailleurs que sur les fréquences d'une radio que d'autres radios écoutent, comme je le disais. La chanson s'intitule... Ça s'intitule comment? Ça s'intitule... Agateka Kawana. L'artiste s'appelle Bernice. Elle est très douée. Elle joue au clavier, à l'accompagnement, à la batterie. Et elle chante. C'est une actrice. Elle compose, elle interprète. Et elle arrange. Elle fait la plaidoyer. Et elle parle de la protection des droits des enfants. On réécoute la totalité de cette belle mélodie. On revient au studio pour vous présenter les invités. RPS Production. Magic Mix, call it the magic. Abana, kazoza kimigango. Ndetse ni kazoza kigilgu. Bakwiye kubahirizwa. mateka yabo bakwiriye gukingirwa amabi yose abana bikazoza ku Burundi ndetse nibo kazoza ka Afrika bakwiye koroherezwa ubuzima bwabo bakwiriye gukingirwa ibibi byose uwanga gukura abaga imitavu tuje hamwe turandurane n'imitsi cyo n'imigenzo mibi ikinyiza agateka kabana tuje hamwe turandurane n'imitsi cyo n'imigenzo mibi ikinyiza agateka kabana abo bana bakugwa mu isomero bakajyanwa gukoreshwa ibikorwa bibarengeye bari biteze gusomera none bararumanga. Voilà, Bernice, nous avons quelques 5, 7, 10 minutes, pas plus, à parler de, du club La Noblesse. Je suis avec deux invités, Los Maestros. Voilà, le premier, c'est le président de, du club La Noblesse, vous l'avez entendu la semaine passée. Il s'appelle Bartuano Sosten. Sosten, il est à ma droite et à ma gauche, c'est bien sûr un autre maestro qui s'appelle Nyakagaragu Kopin. Aujourd'hui, on va parler un tout petit peu de comment marche Noblesse. Vous savez, ça fait quelques années qu'on n'a pas d'informations, qu'on n'est pas au courant de ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, Kopin? On continue comme d'habitude les répétitions. Mm-hmm. On fait le social. Le social. Le social, c'est quoi? Dans Parce que tout le monde comprend ce que c'est les répétitions, mais le social, je ne sais pas, c'est quoi? Bon, c'est en dehors des répétitions. Mm-hmm. Oui. Vous faites quoi concrètement? Bon, on essaie d'être une vraie famille, mm-hmm. même en dehors des répétitions. Tu n'as pas encore rien dit. Sosten, on fait quoi? Oui, dans le social, nous organisons quelques jeux ou fêtes ailleurs du club. Des exemples? Oui, on fait des répétitions au beach. Ah. On fait donc si donc vous allez vous bronzer sur les plages de la Tanganyika. Copain, il est tout noir. Je sais pas s'il a besoin d'être bronzé. Peut-être Sosten. Et vous partagez un verre, à manger, à boire, vous dansez. Oui, oui. Sur, même en dehors de toutes ces sorties, on fait des actions sociales. Mm-hmm. Si quelqu'un a perdu un proche, si bien quelqu'un a une fête, des cérémonies heureuses ou malheureuses, on essaie de s'entraider. Et vous cotisez, vous répondez présent, bien vous sûr. Soutenez financièrement, moralement, même matériellement. Oui, oui. Donc vous êtes une vraie famille alors. Oui, oui. La noblesse, ça veut dire les nobles. Et les nobles sont, comment dire, ils sont caractérisés par ces actions nobles, hein, comme les bonnes actions, comme on dit. C'est vrai. Voilà. Les répétitions, ça s'organise comment? On fait répétition mardi, jeudi pour le premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Mm-hmm. Mais les formateurs, donc les chefs de groupe, mm-hmm. nous avons aussi le jour de mercredi mm-hmm. pour bien sûr ne pas reculer en danse. Mm-hmm. Donc nous essayons de continuer. Donc mercredi, c'est pour les débutants? Non. Mm-hmm. Mercredi, c'est pour les gens avancés. Ah ah. Qui ont déjà fait quelques mois. Oui, oui. Mmh. Non. Mmh. Qui ont déjà fait quelques années. Vous pouvez faire une année sans rien apprendre et entre trois mois qu'il est en avance. C'est vrai. Si quelqu'un a évolué et qu'il apprend très vite, rapidement. Oui, on peut l'avancer. Mmh. Donc, il y a une évaluation qui est là. Vous le confrontez à un test et s'il arrive à résoudre ce test, il est admis. Il est admis. Mmh. Dans l'autre groupe. Voilà, et ça peut se faire qu'une cavalière passe de l'autre côté et qu'il laisse son cavalier. En plus de ça, nous avons un groupe qu'on appelle groupe commun. Groupe commun. Oui. Mm-hmm. Ce groupe, donc, si quelqu'un vient, s'il est nouveau, il doit d'abord passer par ce groupe. Après, on l'examine. Puis, on donne le groupe approprié suivant son niveau. Oui. Donc, si vous apprenez vite que vous aimez la danse et que vous avez comment on appelle, le rythme dans les veines, il vous est facile d'avancer et encore avancer. Voilà, est-ce que vous parvenez à avoir, comment dire, comment on les appelle, des missions ou plutôt là où vous allez récolter un peu d'argent quand vous faites vos spectacles à vous dans différentes cérémonies, que ce soit des mariages ou autre? Oui, oui. Souvent, on a des invitations. Il y a des gens qui peuvent se dire, nous avons tout vu de la salsa inutile. Je me souviens qu'il y a une dizaine d'années, le club La Noblesse avait beaucoup, beaucoup d'invitations. Il parvenait à avoir beaucoup d'argent. Est-ce que maintenant, ça se fait? Est-ce que les gens peuvent se dire, si jamais j'invite ces salseros de La Noblesse à venir danser dans ma fête, est-ce que j'aurais tout vu? Est-ce que vous avez des nouveautés, des nouveaux chorégraphies par exemple? Nous avons de nouveaux chorégraphies, aussi de nouveaux styles. Comme quoi par exemple? Par exemple, dans les marchés, on dansait la salsa seulement. Mais pour aujourd'hui, suivant ce que le client veut, donc nous allons essayer d'adapter. Oui. Justement, une autre chose que je peux expliquer, que je peux ajouter, donc c'est surtout l'uniforme. Donc vous portez un uniforme, une tenue appropriée. Appropriée, oui. Nous avons quelqu'un qui peut aller dans la salle, puis voir le... Donc quoi. La couleur du jour. Oui, la couleur du jour. Vous vous basez sur la couleur du jour pour commencer à faire. Bien sûr. Voilà. Alors, il y a une chose, un peu d'éclaircissement. Tout à l'heure, vous venez de dire, vous servez votre client à partir de ce qu'il veut. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple? Vous allez voir votre client et vous lui demandez ce qu'il veut. Il peut, par exemple, vous dire, je veux ceci ou cela. Donne-nous un exemple. Des fois, quand on voit des mariages, par exemple, il y a les mamans qui sont là, qui commencent à faire un draft, une sorte de théorie, et en rêvant comment le mariage va se dérouler. Donc, le club La Noblesse peut venir apporter un plus dans le rêve de la réussite de ce mariage. Oui, bien, c'est une bonne question. Donc, c'est pourquoi nous avons choisi quelqu'un qui peut aller avant d'entrer dans cette salle. Donc, lui, il y va tout d'abord étudier la piste et encore plus... Ça devient intéressant, ça. Et encore plus, donc on essaie de dialoguer avec le client. Et puis, si c'est un mariage, est-ce que c'est le mariage? Il y a, à l'intérieur de ce mariage, est-ce qu'il y a des vieux ou des mamans de l'intérieur ou quoi? Puis, nous allons essayer de choisir les uniformes appropriés pour ça. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Parce qu'on est presque à la fin de la conversation. La seule chose que je peux ajouter, c'est que nous avons plusieurs variétés de danse. Il y a salsa, merengue, lambada, cumbia. On peut s'adapter selon ses besoins. On peut dire que ça fait longtemps que je vois la salsa. Donc vous avez des nouveautés à nous proposer? Vous n'avez pas quelque chose à nous proposer? On peut venir danser la kizomba. Je me souviens dans le temps, si je ne me trompe, il y avait une miss où elle s'appelait Alida. Oui. Elle a été dans le club La Noblesse et elle faisait partie des miss. Et qu'un jour, elle est venue parce qu'elle dansait encore la salsa et elle est venue proposer une chorégraphie adaptée à une miss, et vers la fin, on a vu le club présenter Alida tout en la soulevant très haut comme une reine, une vraie reine. Ça veut dire que vous pouvez avoir ce genre de manipulation pour agrémenter encore une fois les soirées et les fêtes. Oui, je me souviens même la chanson, c'était La Isla Bonita. Ah, La Isla Bonita de... Comment ça s'appelle? Alida. Madonna. Madonna, c'est elle qui a chanté La Isla Bonita, San Pedro. Voilà. Voilà. Est-ce que vous pouvez, pour terminer, est-ce que vous pouvez donner vos coordonnées? Peut-être qu'il y a quelqu'un ou l'autre qui a compris que vous pouvez travailler ensemble, qu'il y a une fête, qu'il est en train de préparer une sorte de cérémonie, soit un mariage ou autre, juste pour que peut-être il vous contacte et vous pouvez gagner ce marché. Oui, par exemple, moi, je vais donner mon numéro. Ça, c'est pour le les président seniors. De la noblesse. Mmh. Surtout pour les seniors. Mmh. Avant, nous avions le groupe des seniors. Mmh. Mais pour le moment, peut-être, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un qui vient et puis me demande les contacts. Mmh. S'il me demande les contacts, peut-être parce que ce groupe n'est pas, d'accord, n'est pas là, ce groupe pour le moment. Mmh. Donc, nous avons... L'objectif, nous avons une vision de créer ce groupe. Donc, on crée ce groupe à base de membres qui veulent entrer dans ce groupe. Si sans ces membres, on ne peut pas créer ce groupe. Donc, pour cela, je peux donner mon numéro. Peut-être pour que ceux qui veulent entrer dans ce groupe de seniors, c'est donc les vieux, les mamans, et puis ils me contactent, puis on crée ce groupe, puis on fixe le jour. Uh-huh. Si c'est mercredi ou c'est jeudi, ou pour justement pour ne pas commencer avec les juniors. Uh-huh. Donc c'est 72 0-72-714. On commence par 72 toujours. Uh-huh. Donc 72, puis 0-72-714. Uh-huh. C'est le même numéro WhatsApp. Uh-huh. C'est pas souvent qu'on rencontre un numéro qui commence par un indicatif 72, n'est-ce pas, Mité Outi? Voilà. Ok. Nous, j'aimerais ajouter quelque chose. Par exemple, on a beaucoup de projets à réaliser encore, qu'on n'a pas encore réalisé. Parce que vous savez que le club venait de passer presque une année ou deux ans sans travail. On est en train de restaurer les activités. On veut restaurer les... Vous êtes en train de renaître dans vos bien cendres. Bien sûr. C'est pour cela qu'on a besoin de beaucoup de monde. On a besoin de travailler. Non, vous en faites pas, la Radio Sanganilo viendra sur les lieux pour faire des reportages. Et nous aimerions vous remercier de votre soutien. Je dois être là dès le début du mois de février. Voilà. Ce qu'il était en train de dire au senior, on aimerait restaurer aussi le groupe senior pour qu'il ne puisse se sentir... mal à l'aise avec les jeunes de qui sont, 15 ans, 16 ans. Il faudra que Christian Savier recommence à danser. Vous savez, j'ai pris quelques kilos de trop. Mon boulot centré là est déjà déréglé. Je vais essayer de... Or qu'ils ont déjà plus de 30 ans. Et c'est vraiment difficile. On aimerait aussi même les jeunes qu'ils puissent venir. En fait, et vous faites des répétitions où exactement c'est... Au Café Bambou. Café Bambou, mardi, mercredi, jeudi. Voilà. Mais mercredi, c'est pour les gens. Donne votre numéro pour terminer. On est à la fin. Oui, oui. Mon numéro, c'est 71 43 6664. 71 43 6664. Ah, 71 43 66 64. Voilà, c'est ici que prend fin la conversation. Mais les chansons continuent à être balancées. On va écouter, on va recommencer à écouter la chanson d'El Pedro. C'est lui qui a été dans la compétition, à la finale de la compétition, la dernière compétition de Prix Musique. La chanson s'intitule Distory. C'est une chanson versus salsa, bien sûr, mais qui a été produite ici, au Burundi. Et après, on aura à écouter la Sonora Caroceres avec la chanson Ave Maria, Laura et d'autres encore. Et on en profite pour laisser pour ceux qui préfèrent beaucoup plus écouter, savourer, danser, sans toutefois avoir des commentaires. Et on en profite pour dire ciao. Mais ciao. L'émission continue avec le balancement des chansons. Mité Woutsi, à toi, on écoute. Kera Corazón d'History. Sinda vita amor. Eva, Eva. Sinda vita amor. Escucha la música caliente. Es el Pedro, el mejor del mundo. Baila, baila, baila. Kila watu wana, wana tabia zao. Kila watu wana, wana desturi zao. Vipi unaenda ule wana. Africa, ukaenda Europa, uko mtoto wa Afrika. Aya, para kufanyo mesau desturi. Oyo yo, uko mtoto wa Afrika. Uko mtoto wa mama. Uko mtoto wa shangazi. Mbozo sale za la kate Sinda vitamu Una nilio sala oye oh yeah. Sinda vitamu Mbozo sale za la kate Sinda vitamu Una nilio sala oye oh yeah. Sinda vitamu Yoka yoka Mke wako wana Analeta msichana Wakufanya kazi Ndani kwako Tena wewe, tena wewe Tena wewe wana Afrika, ukaenda Europa, uko mtoto wa Afrika. Aya, oh, bana kufanyo mesau. Eya, uko mtoto wa mama. Eya, uko mtoto wa shangazi. Eya, uko mtoto wa mjoma. Eya, makambozo sale za lagate. Thank you. Periñón, que es el patrón, le da chamba a la gente y también al lambón. Qué linda Lolita, que es un mujerón. Y José Suárez es un bonachón. Chocho Motel Body. Mientras chichi la señora. Se le china la pichona con la sangre azucarada. Y suavecita, la malvada. El uno fino, el otro baila hasta choque. El aniñado que es un cruceta le quitó a la hembra el sol y se formó en Trinity, Trinity, Trinity, somos Trinity, Trinity, Trinity, oh, Trinity, Trinity, Trinity, somos Trinity, Trinity, Trinity, oh. Bienvenido a la Trinity, Trinity, para que lo muevan en la Trinity, Trinity, lo pasa la pipo, dame la muchacha. Bienvenido a la Trinity, Trinity, salsa choque y pum, pata, pum, pata, pum, pata, da. Trinity, Trinity, Trinity, saumata. Darwin. Dice, dice que da lo que da. Que ya tú no estás en el bombo. Haga lo que hagas y diga lo que diga. Que Wiro ya tú no estás en el bombo. Que haga lo que hagas y diga lo que diga. Que ya tú no estás en el bombo. Oye, Matías Pérez, tu amor voló. Ay, Dios. Ya tú no estás en el bombo. Como perro gigante. Se acabó el amor. Seré, seré feliz sin ti. Mira, lindo. Te diré, ¿qué te hace? Te diré la verdad. La vida tiene cosas que suelen ser bonitas, pero si no las cuidas, se te pueden acabar. A pesar que algo se derrumbó, que se acabó el amor y la costumbre lo mató. Yo quiero que tú sepas que al igual que tú, yo di mi corazón. No me preguntes cómo estoy, a dónde voy, ni cómo soy, hoy mucho menos a qué hora llego. Ya no, no, no. Menos a que ahora llegue. tú no estás en el bombo. Bombo, bombo, bombo. Para que lindo se ven. Estos niños, me gusta esto, ¿eh? Marlon, tú eres protagonista. No, no, déjalo ahí. Déjalo, déjalo ahí. Déjalo ahí, déjalo ahí, que esto es la revelación. Estos son los nuevos que déjalo ahí. Muchacha, déjalo ahí. Déjalo ahí, que estos son los nuevos músicos que están nutriéndose. Mañana yo no estoy aquí, ni está Michael Blanco, ni estamos ninguno de nosotros. Mañana los que están aquí son ellos. ¿Eh? Mañana está Marlon Blanco en el piano, en el timbal. ¡Señora! Anda suave. El otro cantando, el hijo de Ángelo, ya tú sabes, cantando ciguatera, hielo. Y mira cómo goza la gente, y mira la damita de rojo, como está en el bombo. Se va, señores, teatro, la gente del barco allá arriba, la gente por otro bombo, que me levante la mano, que me levante la mano, la gente arriba, la gente arriba, la gente abajo, que me levante la mano todo el mundo, con el teatro con la mano para arriba ahí, mano para arriba, y van a hacer las tres palabras. Las tres palabras son, son, que hagan lo que haga, que no se ama. Dale, Claudio, no lo complique. Fon. Dicen que ahora somos dos, que en el mundo están pegados. ¿Qué están pegados? Dicen que ahora somos dos, con un baile y un tumbao. Dicen que estamos locos. ¿Y qué? Dicen que estamos acelerados. Es verdad. Casi nos llamamos iguales, y los dos venimos de la escuela de la calle. Thank you. dicen que son Mami, deja la duda, esa cosita es tuya. Si todo y diga lo que diga el coro. Ya tú no estás en el bombo. Que haga lo que haga y diga lo que diga usted. Ya tú no estás en el oye, bombo. Oye, María, pega tu amor, oh, ay Dios. Ya tú no estás en el bombo. Perros y gatos en el callejón. ¡Arriba! Y lo que está para mí. Thank you. sí. Dime, dime, presta plata. Dime, y no tienes pa' pagar. El que tiene el sabor. Dime, presta plata. Deja tu vicio, déjalo, déjalo. Deja tu costumbre, déjalo, déjalo. Deja tu vicio, déjalo, déjalo. Deja tu costumbre, déjalo, déjalo. Deja tu vicio, déjalo, déjalo. Deja tu costumbre, déjalo, déjalo. Deja tu vicio, déjalo, déjalo. Deja tu costumbre. Salsa choque. Pa' que suene. ¿Qué se hizo? Dime tú cómo esto suena. ¿Y cómo suena? Dime tú cómo esto suena. Yo, yeah. Y esto se hizo, se hizo, se hizo pa' que suene. Yeah. Esto se hizo pa' que suene. Dime tú cómo esto suena. Dime tú cómo esto suena. Y es pa' que mueva los pies, pa' que mueva los pies, pa' que mueva los pies. Y es pa' que mueva los pies, pa' que mueva los pies, pa' que mueva los pies. Y es pa' que mueva los pies, pa' que mueva los pies, pa' que mueva los pies. Y es pa' que mueva los pies, pa' que mueva los pies, pa' que mueva los pies. Yo soy el negro que le fascina, que le sube la bilirrubina. Sufre trauma porque no le arrima, mago sentido que me cocina. Sulfure papá, ando okay. Controlando ya tu sabia y nada más. Con André DJ in the mix, yeah. Sonando en todo lado, controlando la street. Siente el ritmo, yeah. Siente el ritmo, siente el ritmo, siente el ritmo, siente el ritmo, yeah. Siente el ritmo, siente el ritmo. Ey, una vez más. Siente el ritmo, siente el ritmo, siente el ritmo, siente el ritmo. La unión de la buena.